À trois, je ne suis pas. Lastou. Écoutez et répétez. Je ne suis pas fatigué. Lastou ta'aban. Je ne suis pas prêt. Lastou jahiz. Je ne suis pas sûr. Lastou muta'akkid. Je ne suis pas français. Lastou faransi. Je ne suis pas française. Lastou faransiya. Nous ne sommes pas prêts. Lasna jahizin. Nous ne sommes pas contents. Lasna masrourin. Nous ne sommes pas pressés. Lasna musta'jilin. Ce n'est pas facile. Hatha laysa sahl. Ce n'est pas difficile. Hatha laysa sa'b. Je ne suis pas sûr. Ana ghayr muta'akkid. Il n'est pas là. Huwa ghayr mawjoud. Elle n'est pas là. Hiya ghayr mawjouda. Ce n'est pas sûr. Hatha ghayr akid. Ils ne sont pas contents. Hum ghayr masrourin.